vage payan aaye payan aaye kiwa ene nene payan nene de dunne paadwa Pa te heu va, oh, te tunne vage.